Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et à 23h. Cette semaine, L'appel de la montagne, une série de Marie Chartron réalisée par François Teste. Au départ de cette série, il y a des images sur des gravures, des boîtes de chocolat, des cartes postales ou des cendriers. Ciel bleu, sommet enneigé, Edelweiss, téléphérique rouge et chalet fleuri. Mais il y a aussi les mythologies des hauteurs, l'alpinisme où les orteils gèlent dans la tempête et la merveilleuse Frau Chocha qui apparaît dans les portes battantes du sanatorium, sans oublier les villages fantômes. Alors pour commencer les personnages, une fillette qui a vu pleurer ses parents, un pisteur sur sa piste, la grande muette, une communicante pas bavarde, un éleveur qui fait du foin, un bruiteur né, un enfant de la colline, une exilée en exode et une bergère. Ensuite le décor, une montagne près de la mer, un désert, des chênes, un 4x4 bleu, un village déplacé, un champ de tir, des hêtres, 35 000 hectares, des goulets pierreux comme en Afghanistan, du serpolet, des chiens, des loups, des ruches, des Alpes provençales et des hirondelles furieuses. Aujourd'hui, deuxième épisode, on fait ses bagages. Le pire, c'est quand vous décidez de quitter un lieu, bon, c'est de votre propre chef, vous partez. Là, nos parents ont vécu une expropriation. C'était un déchirement pour eux, vraiment. Pour nous, pareillement, quand je vous raconte cela, je suis dans l'émotion la plus totale parce qu'on a vu pleurer nos parents, on a pleuré nous-mêmes, et c'était effectivement très dur. Mais bon, après, aujourd'hui, je crois que ce qui s'est produit à l'époque, exproprier un village tout entier, ne se reproduirait plus aujourd'hui. Je reprendrai un mot que j'ai entendu prononcer récemment par le sénateur maire de Draguignan, si vous le permettez, et qui me plaît beaucoup. On ne doit pas parler d'intégration quand il s'agit de l'armée française en France, car je pense, et je ne suis pas le seul à le penser, que l'armée française est chez elle. L'appel de la montagne. Marie Chartron, François Teste. Aujourd'hui, Panjuers, la montagne réquisitionnée. Sur la montagne de Malaï, qui est un des deux points hauts du camp de Canjuers, et qui est, là on est situé donc dans l'angle disons nord-est du camp, qui est la partie disons la plus montagnarde de Canjuers, avec vous allez le voir tout à l'heure des aspects forestiers qui sont vraiment des aspects alpins, alors qu'on est à moins de 20 km de la mer à vol d'oiseau, quoi. On est vraiment sur une zone de transition entre le climat des Alpes et le climat méditerranéen. Et une montagne comme Malaï où on se dirige, il y a vraiment les deux aspects, quoi. L'Ubac est carrément un Ubac de montagne et les versants sud, c'est une végétation typiquement méditerranéenne. La piste n'est pas très bonne, mais bon, c'est une piste forestière. Hein. Ça secoue un peu. C'est une piste que j'ai tracée en 1980. Puisque l'ensemble des espaces naturels du camp est géré par l'Office national des forêts depuis la création. Quoi. Donc il fallait pour nous créer un réseau de dessertes qui n'existait pas, pour pouvoir faire l'exploitation forestière, etc. On traverse un plateau de chênes pubescents, exploité pour le bois de chauffage, Ça, c'est le, ce type de forêt, c'est presque 60% de la couverture forestière du camp. Altitude moyenne, entre 700 et 900 mètres, bon, c'est le royaume du chêne pubescent. Désert. De façon temporaire ou occasionnelle, endroit vide où l'on ne rencontre personne. Aucune rencontre humaine ne viendra troubler cette promenade sur la montagne du Malaï. Ni militaires, ni fantômes de maquisards tombés ici pendant la Seconde Guerre mondiale. Au pied des Préalpes provençales, à une quarantaine de kilomètres à vol d'oiseau au nord de Cannes et de Fréjus, Canjuers est un territoire de montagne gelé par l'armée. Un désert paradoxal, le royaume des grands silences et des grands vacarmes, ceux des guerres passées et futures. Thierry Faure a été régisseur des espaces naturels de Canjuers pour le compte de l'Office national des forêts pendant 43 ans. Quotidiennement, il a parcouru cette terre singulière dans son minuscule 4x4 bleu. Il n'est pas militaire, aussi en sait-il peu sur l'art de la guerre, mais il connaît chaque chemin, chaque lande, chaque forêt, chaque sommet. Désert. De façon permanente ou pour une longue période, endroit inhabité. Avant que ne s'établisse le camp militaire de Canjuers et son polygone de tir, il y avait une vie sur ces hauteurs, discrète et clairsemée, des villages, des hameaux. Alain Costanzo avait une maison de famille à Brovès, le plus important de ces villages. Il est l'un des membres fondateurs de l'association des amis et anciens de Brovès, qui s'attache à préserver la mémoire de cette vie disparue. Alors, l'histoire du camp de Canjuers débute, pour ainsi dire, dans les années 54-55. Il y a eu un premier projet. Ce projet ambitieux a été mis en sommeil pendant le laps de temps de la guerre d'Algérie. Et en 1962, lorsque la guerre d'Algérie a été terminée, s'est posé à nouveau le problème, c'est-à-dire que tous les espaces qui étaient libres en Algérie et qui servaient de champ de manœuvre pour l'armée française, du coup, n'étaient plus disponibles puisque l'Algérie était indépendante. Et il a fallu trouver en métropole un champ de manœuvre suffisamment important pour pouvoir remplacer ces champs de tir algériens. Donc il y a eu plusieurs études de fait et le choix s'est arrêté sur Canjuers, ce qui présentait plusieurs avantages pour l'armée. D'abord le climat, puisque c'est le sud de la France évidemment, avec un climat qui est beaucoup plus tempéré que dans le nord. L'autre critère, c'était la démographie. Donc c'était, paraît-il, un des lieux les moins peuplés de France en termes de démographie et en plus un lieu qui perdait régulièrement des habitants. Donc les jeunes ne restaient pas dans le Var et avaient tendance à descendre sur la côte ou dans les grandes villes. Donc il y avait d'un côté cette volonté de créer ce fameux camp quelque part en France et en même temps la volonté ici des élus locaux d'avoir justement une industrie ou quelque chose qui redynamise un petit peu l'économie locale. Monsieur Michel Debré est arrivé ce matin à 9h au camp de Canjuers qu'il a notamment survolé en hélicoptère. But de cette visite, inspecter les installations que l'on y construit depuis septembre dernier et qui feront de ce polygone de tir le plus grand centre d'entraînement militaire en Europe occidentale. L'inauguration du camp a été faite avant 1974. Ça a été fait dans les années 72. À cette occasion, il est venu le ministre des Armées de l'époque, qui était Michel Debré. Et puis Michel Debré, il a certainement voulu faire de l'humour. Il a dit cette phrase qui est restée en travers de la gorge de nombreux Brovésiens. Il a dit, de toute façon, ne vous inquiétez pas pour vos filles, vous pourrez toujours les marier à des militaires. Il a dit aussi, finalement, que le fait qu'il y ait un camp militaire à Canjuers, ça allait attirer forcément de nombreux appelés qui allaient constater la beauté de la région et qui donc viendraient ensuite s'installer parce qu'ils auraient vu que c'était une région exceptionnelle et tout. Donc finalement, c'était un gage de sécurité touristique que de faire ce camp militaire à Canjuers. Je pense que les syndicats de tourisme doivent apprécier, même à l'heure actuelle, l'impact touristique d'un camp militaire ici. La caserne traditionnelle pour l'armée, c'est moins utile. L'armée a besoin de camps pour entraîner ses troupes. Le plus grand camp de France, camp Juers, au nord de Draguignan dans le Haut-Var. 38 000 hectares réservés aux tirs d'artillerie, obus et missiles. 100 000 coups par an dans une région naguère si calme. Un exemple, à camp Juers en 2 mois, un seul régiment d'artillerie a tiré 11 300 coups. Sommet là-bas, c'est le Mont Lachine, c'est le sommet du Var. Il fait 1700 et des poussières. C'est pas grave. C'est blindé dessous. Vous voyez, là, on est entré dans le domaine de la forêt de Hêtre. Pas de touristes. Doivent à cette heure parcourir les gorges du Verdon ou bronzer sur la Côte d'Azur. Un chien marche au milieu de la départementale déserte et le silence n'est entrecoupé que par le bêlement des moutons qui sont ici chez eux. 2 tracteurs ramassent les foins sous un soleil de plomb. Quelques kilomètres plus loin, un véhicule de démineur stationne, moteur à l'arrêt. Entre trêve estivale et préparatifs du 14 juillet, en été, les tirs sont plus rares. Et pourtant, il se tire à Camp Juers des dizaines de milliers d'obus par an et le camp accueille jusqu'à 100 000 hôtes de passage. Sylvie Lisbonne, chargée de communication du 1er régiment des chasseurs d'Afrique, est l'interlocutrice qui nous a été désignée pour présenter le camp. Alors, le camp de Camp Juers fait à peu près 35 000 hectares et c'est un camp qui n'est pas clos, contrairement à d'autres camps militaires en France. Et qui est traversé par 2 départementales qui permettent de rejoindre la vallée avec les villes comme Draguignan et puis la partie du Haut-Var, Compes, La Roque-Esclapon, etc. Et donc qui traverse le camp militaire, qui est donc panoté tous les 50 mètres pour faire en sorte que les gens soient prévenus de la possibilité d'une activité militaire de part et d'autre de ces 2 départementales. 35 000 hectares, c'est-à-dire concrètement combien de kilomètres sur combien ? Alors à peu près 30 km de long sur 15 km de large. C'est globalement, puisque ça a la forme d'un haricot, le camp militaire de Camp Juers s'occupe pratiquement 6% du département du Var. Qui vit ici et qui fait-on ? Alors, peu de gens y vivent. En fait, vous avez le long donc d'une de ces 2 départementales qui traverse le camp militaire, ce qu'on appelle un camp bâti, qui regroupe des zones de bureaux, de hangars, de stockage, etc. On est à peu près 2000 permanents sur le camp à travailler. Mais la plupart des gens redescendent sur Draguignan ou logent dans les villages alentours. Et donc au sein du camp militaire, nous avons 2 régiments. Donc le 1er régiment de chasseurs d'Afrique qui est en charge du commandement du camp et de sa gestion, puisque c'est son outil de travail. Et un régiment d'artillerie qui est implanté ici aussi depuis de nombreuses années. Et donc les activités du camp sont la préparation des forces pour notamment la projection sur les théâtres d'opérations extérieures. Donc on a ici la possibilité sur ces 35 000 hectares d'avoir suffisamment de paysages divers et variés, des reliefs qui peuvent rappeler certains théâtres d'opérations. Par exemple l'Afghanistan, mais qui n'est plus d'actualité. Par exemple des steppes qui peuvent rappeler aussi un petit peu les déserts africains, voilà. Et puis une étendue surtout qui permet de pratiquer des manœuvres qu'on ne pourrait pas pratiquer dans des zones plus restreintes. Et la possibilité également de créer des champs de tir avec des zones de sécurité, justement, puisqu'on a beaucoup, beaucoup d'espace, et ce qui nous permet de pouvoir tirer avec différents types de munitions, y compris d'artillerie, donc à très longue distance. Donc c'est vraiment un outil extraordinaire pour entraîner les militaires français. Entraînement grandeur nature au camp de Camp Juers pour les pilotes du 5e régiment d'hélicoptères de combat. Ces tirs de roquettes et passe-canons viennent achever la préparation opérationnelle des pilotes Tigres avant leur départ en Afghanistan. Leur mission sera d'appuyer les troupes au sol. L'Afghanistan, c'est-à-dire à quoi ressemble l'Afghanistan de Canjuers? Des reliefs très prononcés avec des plaines, des routes qui circulent entre des petits goulets, des gorges un petit peu, voilà, qu'on pourrait retrouver sur ce qu'était le théâtre d'opération afghan sur lequel on n'intervient plus, mais qu'on peut également, je pense, retrouver au Mali. Il y a des endroits, voilà, comme ça, qui permettent d'imaginer et de reproduire ce que nos militaires français peuvent vivre à l'extérieur. Par exemple, effectivement, un convoi qui va s'engager dans une passe un peu fermée avec, du coup, un ennemi qui va pouvoir le prendre en tenaille ou un ennemi dissimulé qui va faire fonctionner des engins explosifs à distance et donc être capable d'adapter la progression d'un convoi à ce type de menace qui est en constante évolution. 210, délai 1 minute. Reçu. Attention. Barre 1, section, délai. L'onde tient à 1400. Voilà, alors on rentre dans la sapinière. Le Malaï a ses héros, les résistants du Maquis Vallier, et ses légendes. Thierry Faure évoque une doline qu'il a nommée l'amphithéâtre des lutins. Un cirque naturel, étrange, enfoncé dans une clairière, tapissé de feuilles mortes. La lumière est poudrée, verte, grise, et les arbres tout autour, immenses. Voilà, on va s'arrêter là. Les lutins n'ont laissé aucune trace, mais le peuple animal, celui des oiseaux et des loups, s'est certainement installé ici. Thierry Faure, on a parcouru avec vous 7-8 km de piste dans une petite voiture dont j'ignorais absolument qu'elle était capable de faire ça, parce que c'est grand comme une boîte d'allumettes et ça semble tout supporter. Et nous sommes arrivés en haut de la montagne du Malaï. Oui. Combien on a parcouru de dénivelé? Là, on a fait à peu près 350 mètres en altitude. Et à nos pieds, quelques petits brins de serpolet. Oui, du serpolet, de... On est sur Canjuers, on est vraiment sur une zone de transition. Hein. On est sous influence golfe de Gênes sur la partie est, où on est actuellement, donc avec des pluviométries importantes venant du golfe de Gênes. Et la partie ouest du camp est typiquement un climat mistral. Donc climat, provençal, entre guillemets, traditionnel. Quoi. Alors tout ça, ça crée sur le camp une espèce de patchwork, de milieux très très différents. Quoi. On peut absolument tout trouver. On passe de l'aridité complètement minérale, sèche, à des milieux beaucoup plus foisonnants. Oui, des végétations beaucoup plus luxuriantes. Et, oui, tout à fait. En face de nous, il y a une haute montagne. On peut appeler ça une haute montagne, vu d'où on est, sur laquelle on voit circuler les nuages. Mmh. Elle est relativement pelée. Son versant sud est pelé, son versant nord est boisé en sapinière. Très belle. Est-ce que c'est là-haut que niche l'aigle royal? Non, pas spécialement. L'aigle royal niche sur le camp, il y en a plusieurs exemplaires. Au niveau des oiseaux, il y a plus de 100 espèces qui ont été contactées. Vous avez travaillé pendant 40 ans pour le compte de l'ONF sur le camp? Oui, j'étais régisseur des espaces naturels du camp, oui, pendant plus de 40 ans. L'aigle royal, dans les Alpes françaises, est quand même une espèce qui est assez courante. Hein. Oui. Eh bien, elle est présente jusqu'ici. C'est son habitat naturel? C'est son habitat. C'est la limite sud de son habitat naturel. Oui, tout à fait. Tout à fait. Après, on a des espèces comme l'outarde canepetière, qui sont également des espèces assez rares. Et puis, bon, on a une centaine d'espèces de petits oiseaux. Enfin, c'est quand même très, très riche. Au niveau ornithologique, c'est très riche. Au niveau des insectes également, au niveau des reptiles également. On a 16 ou 17 espèces de reptiles sur le camp. C'est-à-dire pratiquement toutes les espèces françaises de couleuvres sont présentes. On a la vipère à spigue, bien sûr. On a la vipère d'Orsini, qui est également une espèce rare, qui est présente ici, sur le Malaï. Après, au niveau des ongulés, on a un grand ongulé, bon chevreuil, très fréquent, sanglier bien entendu. Chevreuil, le cerf également, qui est présent. Le chamois. Le chamois s'est réfugié en haute montagne sous l'effet d'une pression humaine, mais le chamois, vous allez en Pologne, il vit en pleine. Hein. Vous n'allez tout de même pas jusqu'à avoir des marmottes? Ah non, ça, non, on n'a pas de marmottes. Non. On n'a ni marmottes ni bouquetins. Mais le chamois est bien, bien implanté, oui, bien sûr. Comment se fait-il que toutes ces espèces, qui semblent être assez nombreuses, ne soient pas plus effrayées par les tirs d'artillerie? Je pense que la pollution, entre guillemets, liée aux tirs d'artillerie, elle est compensée par toute une série d'absences d'autres pollutions. Par exemple, le mitage des 35 000 hectares par des centaines de kilomètres de voiries, des milliers de piscines et de villas, qui n'existent pas ici. Ça, c'est une... Il n'y a pas de ligne électrique, ou pratiquement pas. Il y en a deux petites qui traversent des bouts du cœur, mais pratiquement pas de ligne électrique. Pas de pollution lumineuse? Peu de pollution lumineuse, oui, peu de pollution lumineuse, pas d'éclairage public, ou à peine sur la zone du camp bâti, quoi, mais ça, c'est vraiment tout petit, quoi. Il n'y a pas d'agriculture polluante. Tout un tas d'activités humaines qui, du fait du statut militaire, n'existent pas ici. Donc, globalement, le milieu est préservé. C'est presque un paradoxe, finalement, que les espèces puissent se développer dans cette espèce de désert. Il ne faut pas oublier que c'était, au départ, surtout un désert humain. Hein. Au moment de la création du camp, sur les 35 000 hectares du camp, il y avait 320 habitants. Ce qui fait moins d'un habitant au kilomètre carré. Hein. Donc, si vous voulez, on est parti au départ, dans les années 70, on est parti d'un territoire qui était naturel. Alors, c'est vrai que les activités militaires ont un impact qui est assez ponctuel, puisque les zones de réceptacle des tirs, etc., c'est des zones très délimitées, très bien définies. Donc, en dehors de ces zones-là, le milieu est très peu chamboulé par l'homme, finalement. Vous avez terminé les foins, Philippe Fabre? Non, d'accord. On est en retard par rapport au temps. Pourquoi? Parce que le foin, il ne sèche pas. Il fait un temps humide, et le foin, il ne sèche pas. On le tourne, on le retourne, mais on n'arrive pas à avancer. D'habitude, à cette époque-ci, on le coupe le matin, le lendemain soir, on emballe. Mais cette année, ce n'est pas le cas. Il faut 3-4 jours qu'ils soient secs. Et encore, on le ramasse dans de mauvaises conditions. Vous faites partie des rares éleveurs qui ont le droit de passage et de package à Canjuers. Oh non, on est 22, même 25, je crois, aujourd'hui, éleveurs. Dans Canjuers. Des anciens expropriés comme nous et d'autres qui ont pris des exploitations où les anciens ont arrêté. Au début, on était peut-être plus nombreux. Seulement, les pâturages étaient moins grands. C'était juste la périphérie du camp, les bordures. Ce qu'ils appelaient ça les zones de sécurité. Et quand ils ont vu ce que faisait le travail que faisait le troupeau, l'entretien, ils ont toléré à ce qu'on rentre petit à petit, un peu plus. Et aujourd'hui, ils veulent des moutons dans surtout le polygone, surtout Canjuers. C'est les moutons qui ont gagné la guerre des moutons. Voilà, peut-être c'est la guerre des moutons, si on peut le dire comme ça. Ouais. Mais tout le monde s'y retrouve, je veux dire, c'est dommage de ces herbes se gaspiller, je veux dire, alors qu'elles peuvent servir, ça peut faire vivre des jeunes, ça peut faire vivre des familles. Aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose dans notre canton. Alain, on se rappelle très bien, quand on était jeune, il y avait l'Odel qui embauchait du monde, il y avait les ponts et chaussées, il y avait plein d'usines. Et tous ces trucs, eh ben, ça y est plus, quoi. Donc aujourd'hui, pour rester ici, il faut avoir un boulot. Et le boulot, à part un peu l'agriculture, il n'y a rien d'autre, quoi. Il n'y a plus que ça, quoi. Et nous, moi, je vois, nous, aujourd'hui, on a quand même 4 ou 5 employés, quoi. Avec notre petite exploitation, quoi. On a un boucher, on a une femme qui emballe, qui fait là, on a un apprenti, on a un berger. Voilà, on est un peu des seuls à faire travailler un peu du monde, quoi. Combien de têtes avez-vous et combien de surfaces? Ben, ça se dit pas, ça. Ils avaient posé la question à un vieux berger qui s'appelait Gaston Rouvier. Une dame comme vous, il y avait posé la question combien de moutons. Il a dit je vous demande combien vous avez sur le compte. Non, mais des moutons, on en a, on va faire un grec, on a à peu près, bon, il y a Guillaume, moi je travaille en famille, on travaille les enfants. Tous les deux, on doit avoir dans les 2500 brebis. Voilà, à peu près, et 70 vaches. Et des hectares, ben, dans 15 jours, je sais pas, il doit avoir dans les 3000 qu'on loue en location, et à nous, on doit avoir 200 à nous et une centaine qu'on loue en dehors de 15 jours. 300 hectares en dehors du camp. Et le territoire vous permet de les laisser là toute l'année? Parce que c'est un territoire montagneux, ça peut être assez humide. Non, oui, il y a ça. Et l'avantage qu'on a l'été, c'est que par rapport aux incendies, il y a des pâturages qui sont libres. On ne peut pas y aller l'hiver. Des zones de tir, quoi. Septacle. Donc ils tolèrent ce qu'il y ait des moutons l'été pour nettoyer. C'est pour ça qu'on reste là. Si on n'avait pas ces pâturages, on serait obligé d'aller en montagne. On est quatre pour rester ici, à l'année. Les autres partent tous en Transhumance. Mais moi, si je trouvais une montagne, je m'en irais, quoi. Parce que par rapport à la prédation, par rapport à tout, par rapport à l'année dernière, surtout ce qu'on a subi, la sécheresse, plus d'eau, c'était... On a percé notre temps à transporter de l'eau, quoi. Et les bêtes, quand même, on a subi les conséquences, parce qu'elles n'étaient pas vraiment belles, quoi. Même en faisant le maximum. C'est terrain aride, hein, c'est des rocailles, c'est... C'est vrai que là, quand vous voyez aujourd'hui, c'est la période la plus belle de l'année, quoi. C'est pour ça qu'il faut revenir un peu en arrière, avec le recul. S'il y a eu ce terrain militaire aujourd'hui en place, c'est que c'était un pays trop aride pour l'agriculture. Il n'y avait que de l'élevage, on ne pouvait pas cultiver. Moi, mon père me disait tout le temps que dans le Grand Plan, là-bas, ils crevaient de soif, quoi. De faim et de soif l'été, je veux dire. Ils vendaient les bêtes parce qu'ils n'avaient plus d'eau, ils n'avaient plus rien. Je pense que ça a été un atout pour l'expropriation. Les gens ont profité de ça pour dire, bon, ben, il y a l'armée, voilà, on le vend, hein. Il y a le 10% qui ont été contre l'expropriation, le 90% était pour. Et comment ça se passe aujourd'hui à Canjuers, au milieu des militaires? Oh non, non, non, les militaires ne gênent pas. Non, non. Aujourd'hui, vous ne les gênez pas? Bon, peut-être bien, on les embête un petit peu, je veux dire. Parce que c'est pas nous qu'on les embête, c'est ni les moutons, c'est nos patous. Aujourd'hui, on est obligé de mettre des patous par rapport à la prédation. Et c'est vrai qu'hier soir, on était en train de travailler aux moutons. Les militaires qui sont en train de faire des exercices, ils ont peur des chiens, c'est pas normal, ils sont sur un terrain militaire, ils sont chez eux, je me mets à leur place, quoi. Après, comme j'ai dit, putain, ils ont pas de mitraillette, si vous avez peur des chiens, c'est pas de bons guerriers. Bah, un gros patou, c'est dangereux quand même. Mais oui, mais il y a tout qui est dangereux, il y a la foudre qui est dangereuse, il y a plein de choses. Non, mais non, non, mais c'est vrai, non, non, mais... Puis après, il y a cette prédation, voilà, c'est pas que je suis anti-loup, mais aujourd'hui, il y a trop de loups dans Canjuers. On a trop protégé les loups. Aujourd'hui, il y a trop de meutes, de trop grosses meutes. C'est pour ça qu'on en arrive à la cohabitation ne marche plus, parce qu'ils ont recensé une meute de 16 loups. Comment voulez-vous que des patous fassent face à 16 loups? C'est impossible, je veux dire. Il faut déjà 3 patous pour un loup. Alors, il faudrait combien de patous pour arriver à protéger le troupeau, pour pas qu'il y ait d'attaque? Aujourd'hui, vous entendriez un berger parler, vous allez dire, oh putain, celui-là, il pense qu'à sa gueule, il est contre les loups. Moi, je suis pas contre les loups. Si l'ONCFS disait vraiment le nombre de loups qu'il y a dans Canjuers, peut-être que tout le monde changerait d'avis, quoi. Parce que nous, j'ai acheté une caméra thermique, il n'y a pas le soir où je ne vois pas des loups. Vous venez avec moi ce soir, où qu'on se trouve, on s'arrête, on hurle, les loups ils nous répondent. Et il y a beaucoup de personnes qui ne le croient pas. Tu dis, attends, lui, il est sur le nuage, il est gaga, quoi. Ça ressemble à quoi, un loup qui hurle? Eh bien, ça ressemble à ça, là. Ah, ouh! Moi, j'ai fait répondre. Et avant hier soir, j'y suis allé, j'ai fait répondre un loup, loin. Je me suis approché pour avoir mieux le localisé. Et quand je suis arrivé, il était en train d'attraper un petit sanglier. J'ai entendu un petit sanglier. Il est parti en courant vers Chadin, et la truie qui était derrière, qui essayait de le défendre, le pauvre. Mais le loup est parti avec le petit sanglier dans la gueule, quoi. Mais ça, il faut être sur le terrain, le voir pour le comprendre. Voilà. Hier soir, tu restes jusqu'à 1 heure au mouton, ce matin à 4 heures, il faut y être. Pourquoi? Pour pas être attaqué, quoi. Je veux dire, il faudrait qu'il vienne se mettre un peu à notre place, quoi. Je veux dire, c'est pas de tuer des moutons, ils tueraient pour se nourrir le loup. C'est un fait, il tue une bête, il la mange, c'est normal, je ne savais pas. Mais c'est des dégâts. J'ai un collègue, hier, il a eu une attaque, 67 bêtes, entre tués, blessés et disparus. Sur un troupeau de 1200, quoi, pas un... Et ça s'est produit 3-4 fois dans le Canjuers, ici aussi. Hein. Des grosses attaques, quoi. Je veux dire, le loup, il s'amuse, c'est comme un chat avec une souris, quoi. Je veux dire, il va en tuer 10 pour en manger une, quoi. On dit qu'un chat, pour bien qu'il chasse, il faut qu'il soit bien nourri. Donc c'est pas la faim qui le fait tuer. C'est l'amusement, c'est le chasseur, quoi. C'est de chasser, c'est un félin. pour rejoindre Brovès, qui se trouve dans le camp militaire de Conjuers. Quand on arrive par le sud, on traverse les montagnes qui sont plutôt très méditerranéennes, avec une végétation méditerranéenne, la terre rouge argileuse, et puis hop, quand on franchit les petits sommets, on se retrouve dans une montagne beaucoup plus verte. Oui, on n'est plus du tout dans le climat méditerranéen. Là, on est déjà dans les préalpes, avec un climat qui est beaucoup plus rude. Les gens d'ici, la population d'ici, est beaucoup plus tournée vers les préalpes que vers la mer. La mer, on ne la voyait jamais ici, quand on habitait à Brovès. Jamais. La plupart des Brovésiens, en tout cas des vieux Brovésiens, n'ont probablement jamais vu la mer de leur vie, hormis ceux qui sont partis faire le service militaire. C'était bien souvent la seule occasion qu'ils avaient de voir autre chose qu'ici, que la montagne et que leur coin. Ici, à Conjuers, sur le plateau de Conjuers, il y avait de la neige quasiment deux mois d'hiver, de façon permanente. Alors, il n'y avait pas 4 mètres de neige, bien sûr, mais il y avait au moins ces 30-40 cm pendant tout l'hiver. Aujourd'hui, l'idée de la neige est bien loin, parce qu'au loin, il y a plutôt la ligne sombre des montagnes, les forêts, et de l'autre côté, une montagne minérale grise. Et puis, nous sommes arrivés en traversant le camp par une route qui est dans une zone sécurisée où il n'y a pas de tir. La route est environnée par des panneaux tous les 50 mètres. Terrain militaire, zone interdite. Le long de cette route, il y avait un petit village, Brovès, 39 foyers, 82 habitants. Aujourd'hui, Brovès est totalement absorbé par Conjuers. De temps à autre, les légionnaires s'y entraînent au combat de... Attention, premier saut d'obstacle, nous voilà parvenus à l'entrée du village qui est condamné par de gros cailloux. Presque des rochers. Brovès l'a disparu. Eh oui. Alors il y a une végétation qui s'est installée dans ce qu'il reste de la ville, des coquelicots, des bleuets. Et les maisons sont là, sans fenêtres, plus ou moins en ruine. En tout cas, les murs restent. Oui. À quoi ça ressemblait ? Les murs ne restent pas tous, hein. Beaucoup se sont écroulés. À quoi ça ressemblait ? Ça ressemblait à un village d'Urva, avec sa mairie, son église, son école, une auberge qui servait de bar, café, d'hôtel, qui était là dans le centre du village. Une grande place aussi au centre du village. Il y avait environ 80 habitants, essentiellement des éleveurs. Donc vous pouvez voir que la plupart des maisons, le rez-de-chaussée, c'était la bergerie ou l'étable. Et là, un reste de balcon en ferronnerie. Ouais. Le fait que le village soit tombé si rapidement en ruine vient de deux choses. D'abord, effectivement, toutes les tuiles ont été récupérées. Il y a eu aussi beaucoup de pillages, parce que vous pouvez constater qu'il y a des pierres de taille qui sont magnifiques. Donc certains pilleurs ont réussi à en enlever quelques-unes, et forcément ça affaiblit aussi les murs. Quand on se trouve dans cette rue principale du village, et notamment face à ces bâtiments plus qu'à moitié écroulés, avec des éboulis de pierres devant et les orties qui ont poussé entre les pierres, les coquelicots, on a l'impression d'arriver sur un territoire de guerre, une zone de conflit. Ça peut évoquer ça, oui, déjà c'est l'armée est omniprésente, donc ça peut déjà rappeler quelque part un petit peu la guerre, mais bon, oui, effectivement, ça a inspiré d'ailleurs certains réalisateurs de films qui en ont profité pour tourner des... ici, un film de guerre, il y a bien une bonne trentaine d'années. Ça a certainement aussi un petit peu contribué à l'état de ruine, parce que ce qui les intéressait, c'était justement qu'il y ait un village complètement ruiné. Qu'est-ce que c'était, ce film ? Ça s'appelait Hors la vie. C'était un film qui traitait de la guerre du Liban, à l'époque. Donc certaines scènes ont été tournées ici, notamment sur la place qu'on voit. Voilà, bon, je sais qu'à l'époque, toutes les façades avaient été noircies pour laisser penser justement que c'était un village qui avait été pris par la guerre. On va voir l'église. Oui. Brovès est mort, vive Brovès en Seyen. En 1969, on décide que le village sera déplacé plus bas dans la vallée, à Seyen, à 25 km de route en lacets. Le projet initial prévoyait la reconstruction d'un véritable village et le transfert de certains monuments, l'église, la fontaine. Il n'en sera rien. En juin 1974, rien n'est encore prêt pour l'accueil des Brovésiens qui s'égaillent dans la région. Le nouveau village se limitera finalement à un lotissement en périphérie de Seyen et seules quelques familles s'installeront ici. Vous êtes venu pour boire un coup, voilà, un peu vous voir, ça fait plaisir. Je ne sais plus rien. Ici à Brovès-en-Seyen, le village qui a remplacé Brovès, remplacé en quelque sorte. Remplacé. Oui, mais il n'y a rien à voir avec un Brovès en haut, hein. Ils l'ont appelé comme ça, mais... Quel jour avez-vous quitté Brovès, Alice Fabre ? 11 juin 74. 11 juin, et on était les derniers à partir. On a dormi encore sur la terrasse. On avait gardé un matelas. Les derniers à partir. Déménager dans 48 heures, vous savez, c'est un peu... Hein, un peu juste. 48 heures, on avait pour déménager. Et ben voilà, on est parti et on n'a plus pu retourner. On avait demandé de rester au moins l'été jusqu'en septembre, quoi, qu'on puisse faucher, faire honneur. Mais bon, nous, bon, on a attendu jusqu'à la dernière minute, sans eau, sans lumière. Hein. Ils nous avaient coupé l'eau et la lumière. Alors, vous savez, c'est pas facile de déménager sans pouvoir se laver les mains. Voilà. On a été traités comme des bêtes, quoi. On peut pas dire autrement. Hein. Le troupeau, ben, le troupeau se déménage pas comme un camion, hein. Puis déménager le cimetière, il faut dire que vraiment, c'est une chose, ça, inimaginable, quoi. Moi, on avait perdu notre maman, là, il y avait 2 ans. Et puis, il fallait la déterrer pour l'emmener ici, mais... On avait demandé que le cimetière reste et qu'on puisse y aller, bon, au moins à la Toussaint, mais et que tout a été refusé, quoi. C'est comme ça. Mais bon, on a bien souffert. Mon mari est parti de chagrin parce que c'est vrai que toute la vie il était en haut et c'était son travail. Et en haut on vivait bien, on ne demandait rien à personne. C'est toute la. Aussi tous les liens entre les gens qui se sont perdus. Ici ? Oui. Il n'y a absolument rien à voir. Absolument rien à voir, hein. Depuis 40 ans qu'on est ici, je ne connais personne. Hein. Tandis qu'à nous, tout le monde se connaissait, je vous dis. C'était en famille, quoi. Mais pas ici. Hein. Pas ici, non. Ah oui, c'est une drôle d'affaire. Hein. Vous y êtes retourné depuis que le village est vide ? Au village, enfin, dans le village, c'est cette année, là, pour la fête de Saint-Romain, j'y étais plus allée depuis 2 ou 3 ou 4 ans, quoi. J'y étais allée, puis après. Mais là, j'ai dit, c'est peut-être la dernière fois que tu vas voir le village. J'y suis allée, mais bon, ça fait mal au cœur, quoi. Les maisons qui tombent, là. C'est terrible, quoi. Voilà. beaucoup passé de temps dans votre enfance ici, Alain Costanzo, puisque vous aviez 14 ans, c'est ça ? 15 ans, quand les derniers habitants ont été expulsés, oui. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir du village ? Moi, mon terrain de jeu favori, c'était sur cette colline, vous voyez, en face, là, on le voit ici, c'est, on appelait ça le rocher de la mort. Parce que c'est un rocher qui domine un petit peu, et donc c'était toujours impressionnant quand on est enfant, on prend des côtes, on allait braver le rocher de la mort. C'était un exploit inimaginable. Et juste à côté de ce rocher de la mort, il y avait, si on est dans des collines très karstiques, donc il y a de nombreuses cavités. Et il y avait donc juste un trou juste à côté qui nous permettait de dominer tout le village. Alors là, ben évidemment, quand on est gamin, on jouait déjà, avant même l'arrivée des militaires, on jouait nous déjà à la guerre là-haut à côté du rocher de la mort, oui. On avait l'impression qu'on dominait tout le monde. Sinon, comme souvenir, après, c'est... Moi, je me rappelle notamment les parties de boules. Il y avait des parties de boules qui se faisaient sur la grande place qui étaient dantesques, c'est même pagnolesque, parce qu'on entendait tout le monde s'invectiver. C'était vraiment les concours de boules de Provence, quoi. Et ça ressemble un petit peu à un village fantôme maintenant, parce que quelque part, on a toujours la vision de ces gens qui déambulaient dans ces rues. Qui était typique, qui était vraiment... C'était des piliers de la vie sociale ici à Provence. Il y avait le poissonnier qui passait, il y avait le boucher qui passait. Alors quand il passait, évidemment, c'était l'attroupement, tout le monde se précipitait pour avoir le meilleur morceau. Après, le poissonnier, quand il arrivait, il hurlait, on devait l'entendre jusqu'à la roque, tellement il faisait du bruit pour rameuter justement tout le monde. Et puis c'est... voilà, c'était la vie du village. Certains Mauvaisiens ne sont jamais revenus, ne veulent pas revenir, surtout pas revenir. Ils veulent garder l'image du village tel qu'il était. Ils sont passés à autre chose. Alors je sais qu'ils ont ça au fond du cœur, mais ils ne reviendront pas, ils ne veulent plus revenir, ils ne veulent plus entendre parler de Bourgès. Ça a été trop douloureux pour eux. Liliane Brun-Montalan, vous êtes présidente de l'association des Amis de Brevès et vous avez passé votre enfance à Brevès. Oui, vous avez en face de vous une espèce en voie de disparition. Je suis effectivement née à Brevès, dans la maison de mes parents où j'ai grandi. Nos parents étaient nés sur ces terres-là. Ils avaient grandi, ils avaient leur activité, ils en vivaient, ils ne se posaient pas de questions, et ce qu'ils pensaient, c'est mourir sur leur lieu de naissance, en fait. J'avais fait la comparaison avec ces gens qui partent contrer les exodes. J'avais vu, adolescente, Les raisins de la colère, je l'avais lu et je l'avais vu en film au ciné-club du lycée, et ces images, vous voyez, de gens qui s'en vont contraints et forcés me revenaient là, et on les a toujours, ça c'est pas des choses qu'on oublie, hein. Vous rêvez encore ? Ça m'arrive, surtout quand je passe à proximité ou dans le village, comme il m'est arrivé quelquefois, oui. C'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Tout au bout du village désert, un escadron d'hirondelles peu habitué à être dérangé s'insurge et commence une curieuse attaque aérienne. Les oiseaux plongent à pic, à tour de rôle, rasant tête et micro pour nous chasser. Je suis Lucette Laugier, je suis éleveur, j'habite à Combes-sur-Artubie au hameau de Don. Vous êtes originaire de Brevès et aujourd'hui vos moutons paissent encore sur la commune de Brevès, autour, en tout cas dans le camp de Canjuers. Comment êtes-vous informé des activités du camp ? On doit se rendre au PC Tir, sur le camp de Canjuers, le camp bâti, et aller regarder où sont positionnés les tirs. Ils sont prioritaires sur nous, donc ne pas être aux endroits où ils sont eux. Concrètement, on rentre dans un endroit où il y a 4 jours d'affichés. Aujourd'hui et les 3 jours suivants, et on regarde où est-ce que les zones sont rouges, c'est-à-dire les zones de tir, et ne pas se tenir dans ces zones-là. Mais généralement, ça s'est toujours très très bien passé, il n'y a jamais eu aucun problème, même dans les zones de tir. On ne touche pas les... Si on voit des objets par terre, on ne les touche pas et on n'a pas le droit de les toucher, on les signale et c'est tout. Il arrive que des démineurs passent sur vos zones de paquage ? Oui, actuellement ils sont parce qu'ils sont en train de construire une piste et avant de la construire, ils passent, les démineurs passent et enlèvent tout objet métallique. Mais pour point de vue bruit, point de vue... C'est vrai que ça c'est très gênant pour nous. Hein. Le bruit est gênant ? Ben oui, parce que même les bêtes sont affolées. Si c'est très près, il faut qu'on s'éloigne quand même, parce que c'est gênant pour les bêtes. Donc il arrive qu'il y ait des tirs et que les bêtes s'échappent. Ça... On entend même d'ici où j'habite, dommage aujourd'hui qu'ils ne tirent pas, mais sinon vous entendez très très bien. Vous entendez même quand vous êtes à l'intérieur de la maison ? Oui, bien sûr, les vitres peuvent vibrer et tout, c'est à quelques pas derrière cette colline, là. Mais c'est vraiment tout proche. On entend très très bien quand ils tirent. Depuis 40 ans, vous vivez au milieu des détonations. Oui. Vous croisez les militaires ? Ah oui, ça va tout le temps. On vient ensemble. Hein. Nous, ce qui se passe, c'est qu'on doit aller... Il y a un panneau d'affichage tous les jours à 15 heures. Avant de faire quoi que ce soit, on doit aller voir les endroits libres, les endroits activés. Par rapport à ça, ben, on gère. Quoi. Quand c'est libre, on va d'un côté. Quand les militaires sont de ce côté, on va de l'autre. Voilà, non, il y a de la place pour tout le monde. Hein. Vous savez ce qui se tire ici ? Ah non ! Qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas ce qui se tire. Ça, c'est... C'est pas notre domaine. Hein. Nous, on est bergers. Hein. C'est ce qui tire, c'est le truc pour tuer. Moi, j'ai eu une brebis, une fois, un obus qui est tombé à côté de mon troupeau. Il y a eu 4 ou 5 mètres qu'on aurait dit qu'elle n'avait rien. Et elle ne marchait plus, elle était paralysée. Quoi. Il y avait des petits éclats de rien du tout, hein, plus petits que ça. Là. La moitié de ça. La moitié d'une capsule de bière. Ah ouais, même peut-être plus petit. Quoi. Ça brûle. Quand on en a tué une pour boire, quand tu la dépaisses, ben, c'est tout brûlé. Il y a l'impact aussi qui a eu le truc, après c'est tout cramé, c'est tout plein d'eau, c'est tout... Ça a changé, elle se le prouvait. Hein. Quand il n'y a pas de tir dans nos zones, c'est quelque chose de très calme, très... Il n'y a pas de bruit, pas de civilisation dans ces coins. Hein. C'est très... très très calme, c'est les seuls endroits où on peut regarder le ciel sans avoir les lumières des villes à côté, c'est au contraire très reposant quand il n'y a pas de tir. Vous y êtes la nuit parfois ? Oui, ça nous arrive tard le soir, tôt le matin. J'apprécie parce que c'est rare un endroit où il y a loin d'une civilisation totale comme ça. Est-ce que vous avez noué des liens amicaux avec les militaires, Lucette Laugier ? Oui, parce que ceux qui sont actuellement en place comprennent qu'on est la haine, quelquefois, mais nous expliquent bien que, et on le comprend, qu'eux n'y sont pour rien dans ce qui est arrivé à l'époque. Les gens en place à l'époque, il n'y a absolument plus personne. Donc on ne peut pas en vouloir à ceux qui sont sur place aujourd'hui et qui sont quand même des gens compréhensifs. Quand on explique qu'on est en colère pour certaines choses. Qu'est-ce que vous aimez ici ? Qu'est-ce que vous préférez ? J'aurais envie de dire le peu de population. Je crois qu'il y a peu d'endroits où on puisse être socialement aussi tranquille qu'ici. Je crois. Pour moi, c'est en tout cas ce qui m'a fait rester. Le fait qu'il n'y ait personne. Et puis, je me suis attaché aux gens d'ici, il faut le dire. Et j'avoue que j'ai passé toute ma carrière, 43 ans, à travailler avec les éleveurs, à travailler avec les bergers, à travailler avec les agriculteurs, à travailler avec les exploitants forestiers. Et ils m'ont beaucoup apporté, oui. On a rencontré quelques personnes, mais comment vous décririez, comment vous caractériseriez les gens ici, Thierry Faure? Ah, ça alors c'est une question piège. C'est une question... Le peuple de Canjuers. Le peuple de Canjuers. Dur. Sincère, dur. Et fidèle. Je les qualifierais de fidèles. Oui. Fidèles en amitié, fidèles... Dans les campagnes d'ici, il reste une réelle solidarité, une réelle... Alors quand il n'y a pas de problème, on ne s'en rend pas forcément compte, parce que tout le monde casse du sucre sur le dos du voisin. Mais dès qu'il y a un problème, tout le monde est réuni. Et ça, c'est, je trouve que c'est quelque chose de très positif, quoi. Après, c'est pas des... les gens sont pas... les gens de montagne ne sont jamais d'abord très faciles. Mais par contre, ils sont solides. Ils sont solides dans leur... ils ont les pieds ancrés dans la terre. Et c'est vraiment... oui, ça, c'est vraiment positif, quoi. C'était Canjuers, la montagne réquisitionnée. Avec Lucette Fabre, Sylvie Lisbonne, Liliane Brun-Montalan, Alice Fabre, Alain Costanzo, Thierry Faure et Philippe Fabre. Merci à Germaine Fabre et à la revue L'Alpe. Coordination Perrine Kervran, accompagnée de Marie-Vonne Abolivier. Un documentaire de Marie Chartron et François Teste. C'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter dans la vallée, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, on s'installe dans le dernier sanatorium de montagne. Et pendant 15 jours, pour prolonger, grâce à Tank, notre partenaire, vous pouvez voir Blanche, le documentaire de Jérémy Jouran consacré à une échappée vers les glaciers. Il y a un lien exprès sur la page de l'émission. Et n'oubliez pas les autres rendez-vous documentaires de France Culture, Une vie, une œuvre, Création on Air, La fabrique de l'histoire, Une histoire particulière et Les pieds sur terre.